voilà ce qui fait de l'actu. Venez voir ça sur les caméras sur RTL2.fr, c'est un grand moment. C'est gênant. C'est beau à voir. Allez, pour démarrer, je vous emmène en Grande-Bretagne. Un as des fléchettes accuse son adversaire d'avoir pété pour le déconcentrer lors d'un grand chelem. Ah, vous rigolez, vois, on rigole. Ah, vous rigolez. Non. Parfois, Greg, il fait pareil pour me déconcentrer pendant ma chronique. Vous voyez, c'est... Ça, c'est non, pas cool. Non, c'est faux. C'est, hein. Ah, bah, c'est faux parce que je suis à côté. Vous savez qu'il n'y a pas le droit quand je suis là. Il n'y a pas le droit parce que Justine ne fait jamais ça. Non. Précise, c'est une princesse. Des paillettes, des paillettes. Allez. Jamais un petit prout. On file à Avignon. Le gérant d'une épicerie qui a 23 ans a été arrêté car 60 doses de cocaïne ont été découvertes dans une boîte de raviolis. Oh là. Oh là. Ouais, en même temps, il était un peu con. Hein. 800 euros la boîte de raviolis, c'était pas très discret. Il y avait Anguille sous roche. Et une dernière info insolite, un jeune habitant d'Arras de 21 ans s'est tatoué la tête d'Emmanuel Macron et un kebab sur le mollet. Mais, enfin, mais pourquoi? Je sais pas. À mon avis, il s'est fait tatouer après avoir mangé les raviolis. Enfin, c'est la seule explication que je vois. Du coup, c'est pas si mal le dauphin. Ouais, finalement, dauphin. Quelle idée. Tatouage tribal, finalement, c'était bien. Zazie. Remets-toi, toi. T'as vu, mais c'est marrant comment le petit prout fait rigoler. T'as vu, c'est vraiment. Pourtant, c'est une blague de cours arrête, d'école. Je te jure, arrête. Bon, on va en parler en antenne tout de suite sur non. RTL. Non. Mais si, non. C'est la nature. RTL 2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Lauren et RLP en live. Écoutez. RTL 2 Pop Rock Party. Toute la semaine de 19h à 20h et les vendredis et samedis, version longue de 22h à 1h. RTL de Pop Rock Party. Montez le son. Air France. France. La France. Is in the air. La France est dans l'air. Il y a la mer. Il y a le soleil. Il bronze sur la plage, côté face, côté pile. Elle, sous son ombrelle, bat des cils. C'est un peu trop facile. Il déserte. Air France. France. La France. Is in the air. Découvrez Pointe-à-Pitre au départ de Paris à partir de 299 euros jusqu'au 21 novembre 2018. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 13 mai au 9 juin 2019. Sephora. Pour Black Friday, c'est le moment de craquer chez Sephora. Que vous soyez séductrice, joueuse, audacieuse ou secrète, tous les produits Too Faced sont à moins 20% aujourd'hui et demain seulement. Craquez pour les palettes, mascaras, blushs et gloss qui subliment du regard jusqu'au bout des lèvres. Et ce n'est pas fini. Jusqu'au 26 novembre, nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%. Alors à tout de suite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. À tous les curieux, c'est le Black Friday Fnac. Profitez d'offres irrésistibles sur l'iPhone 6S et 6S Plus. Jusqu'à 130 euros de remise immédiate. Rendez-vous vite en magasin et sur Fnac.com. Fnac, c'est bon d'être curieux. Offre valable jusqu'au 26 novembre, voire conditions en magasin et sur Fnac.com. Fnac. Cuisine Xina. Pour le Black Friday chez Xina, c'est moins 50% sur une sélection de produits. Xina, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie cuisine. Xina. Voir conditions en magasin. RTL 2. On en parle. Le recyclage est une priorité du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et ça commence dès la conception d'un produit. On en parle dans un instant. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, vous connaissez la nouvelle? Non, je sais, c'est quoi? C'est quoi? Bah les noix sèches. Aujourd'hui et demain chez Lidl, le kilo de noix sèche est à 3,99€. Moins de 4 euros le kilo de noix? Moi j'y crois pas, c'est encore un prêt à la noix ça. Non non, c'est le vrai prix, 3,99€. Et origine France les noix, hein. Oh c'est vraiment les rois de la noix. J'en prends avec une barquette de mâche. Oh on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Allopneu.com. Prenez la route, explorez de nouveaux espaces avec les pneus Goodyear. Depuis 120 ans, Goodyear innove et relève chaque défi technologique avec le même esprit de conquête. Vous aussi relevez le défi. Allo Pneu offre jusqu'à 120 euros pour un prochain achat de pneus Goodyear et met en jeu 5000 euros de bons d'achat chez nos partenaires. Alors faites-vous plaisir. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 27 novembre 2018. Règlement sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. L'instant Darty. Chérie, tu peux lancer les pâtes? Oui, ok Google, mets un minuteur de 8 minutes. Mince, il n'y en a plus. Ok Google, ajoute des pâtes sur la liste des courses. C'est le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 26 novembre, l'enceinte intelligente Google Home Mini est à 29,99€ au lieu de 59,99€, soit 50% d'économie. Darty. Black Friday, vendredi fou. Les passagers Girard, Giroud et Giboudot pour Gibraltar sont attendus porte J. Aujourd'hui, c'est encore un grand J pour Alpha chez Jouet.